La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. Il y avait une compétition intéressante, c'était la 15e édition qui se déroulait hier dans les rues de Tolbeau-Missisny. Je ne me suis pas rendu, par contre, j'ai vu sur les médias sociaux, c'était un succès retentissant. Des belles idées également, on en parle avec Pierre-Luc maintenant. Salut Pierre-Luc! Salut Dan! Pierre-Luc, vraiment quelque chose de très très bien. Hein. 880 jeunes hier, on dit que c'est un record de participation, est-ce que c'est vrai? Oui, carrément, un gros record de participation. Je dirais que notre deuxième, là, c'était à l'alentour de 700, donc on parle quand même de plus de 100 jeunes de plus que l'année dernière. Okay. Comment expliquer ça? C'est 700, donc je comprends bien, 180 jeunes de plus, c'est pas loin de 25% de plus. Comment expliquer ça? Bien, pour le moment, l'engouement de la course en relais, ça fait de plus en plus. Pour le 15e, on avait aussi... on va dire pousser la machine, on fait plus de promotions, on a offert des chandails avant. On a aussi la réalité qu'il y a de plus en plus d'écoles de l'extérieur de notre secteur de Beauce-la-Sine qui participent. Des gens qui vont créer des clubs de course. On en a eu un avec 70 élèves de l'école Hébert à Saint-Félicien, mené par même pas un professeur, on parle d'un éducatrice spécialisée, je crois, un parent qui a pris la prise, qui a amené ces 70 jeunes-là à venir participer à Tour de relève. On a eu des gens de l'Adoré, on a des gens de Saint-Félicien un peu, Saint-Méthode, Carrefour Jeunesse, on fait un type de course aussi. On a un peu du monde du Saguenay aussi qui commence par bouche à oreille à entendre parler de cette course-là, qui est vraiment axée sur la jeunesse, pour nos jeunes, puis c'est le fun. OK. Donc, je me disais, puis malgré tout ça, je lisais l'article dans le Nouvel Hebdo de Serge Tremblay, puis il disait que du côté des secondaires, c'est un petit peu plus difficile à sensibiliser. C'est ça qu'on devra s'attaquer dans les prochaines années. Est-ce que c'est vrai? Ben, les secondaires, c'est toujours une réalité différente, c'est sûr et certain. On a mis quand même beaucoup d'efforts cette année encore avec les professeurs, les enseignants, l'éducation physique. On a été chercher une quarantaine de jeunes. Les jeunes secondaires sont impliqués dans plusieurs organisations, plusieurs événements. Il y en a qui ont été au Grand Défi Pierre-Lavoie. Fait que c'est sûr que c'est pas comme le primaire. C'est vraiment nos petits jeunes, nos petits bouts de choux qu'eux autres nous propulsent vraiment. Puis qu'eux, ben, ils pensent pas à la distance. Ils font juste dire, OK, on va courir, on va s'amuser. Quand on est rendu qu'on parle d'un 3 km, ben, il y en a que ça les interpelle moins. On a quand même été chercher une quarantaine, 40-50 jeunes, ce qui est quand même très bien par rapport à l'année passée, vu qu'on avait eu presque pas là, de jeunes. OK. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Y a-t-il une stratégie que vous entendez faire pour sensibiliser? Peut-être parler plus, quoi? Ou on va prendre ce qu'on a, puis c'est tout? Parce que 880 jeunes, ça demande quand même beaucoup de logistique, là. Ah oui, c'est sûr, certain qu'à 880, on est rendu à un grand nombre, mais on a vraiment une équipe solide, un comité organisateur solide, on a des gens, des bénévoles solides. On est quand même bien rodés. C'est sûr que cette année, pour le 15e, on a quand même augmenté, je dirais, la logistique, l'aspect logistique, les nouveautés. Donc, à partir de là, ben, je pense qu'on est prêt pour les prochaines années aussi. OK. Parle-moi maintenant du côté de qu'est-ce qu'on va viser à part ça, à part la population, peut-être sensibiliser les jeunes secondaires. Est-ce qu'on a d'autres projets où on a vraiment atteint, c'est pas mal le maximum qu'on pouvait atteindre, là? Le secondaire, je dirais qu'on va toujours avoir quelque chose à faire. Il faut essayer de voir comment aller chercher, mais encore là, on dit qu'on a eu 40 jeunes. Ouais. 40 jeunes qui ne seraient peut-être pas venus à la course. Faut être réaliste aussi, on peut pas aller chercher 200-300 jeunes secondaires parce qu'il n'y a pas une course dans la région même partout qui va être capable d'aller chercher ça. Fait qu'on dirait, là on a 40, l'année prochaine, c'est sûr et certain qu'on va viser un peu plus encore, puis on va essayer de trouver des stratégies. Cette année déjà là, il n'y avait pas de conflit d'horaire avec aucun autre événement, comme l'année passée qu'on avait quand même le championnat d'athlétisme régional qui avait lieu la journée après. Donc là, on s'est ramassé avec personne pratiquement parce que les gens qui vont à ce genre d'événement-là, ben c'est ceux-là, les coureurs, qui vont venir participer à notre course. OK, OK. La course de la mascotte, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça drôle, moi. J'ai trouvé ça... ça, là, faut quasiment la refaire, ça. C'est vraiment génial. Je sais pas c'est qui a pensé à ça, mais lui qui a pensé à ça, il a une maudite bonne idée, là. On a un comité organisateur qui est hyper dynamique, qui est jeune. Ouais. Des personnes qui est arrivé comme ça, entre ma soeur Véronique puis Jean-François Fortin. Puis vraiment, Jean-François Fortin a pris le dossier entre les mains, puis il l'a vraiment bien dirigé avec des gens vraiment plugués dans le monde des mascottes, on peut dire ça. Puis écoutez, ça, c'est sûr que nous, c'était notre coup de cœur de l'année, c'est sûr et certain. Puis est-ce que c'est à continuer, à poursuivre? Ben c'est sûr qu'on va l'envisager, considérant aussi qu'on le fait pour nos jeunes. C'est ça, la course de relève aussi. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment... Qui a gagné? Quelle mascotte qui a gagné en passant? C'est Gourfanel. Gourfanel, oui, du Festival de la Gourgane d'Albanel. Donc, exactement. Ouais, ben t'es quand même en forme. Là. On voyait qu'elle avait des bonnes habitudes. Ben, effectivement. Hey, en termes de donc succès sur toute la ligne. En terminant, je veux te parler du salon des coureurs qui a eu lieu récemment à Dolbeau-Mistassini. Stéphanie Adams m'a dit, mec, tu vas faire le bilan avec Pierre-Luc pour la course à l'air. Parle-y de ça. Est-ce qu'il y aura une troisième édition du salon des coureurs? C'est sûr qu'on fait une rencontre post-mortem lundi prochain, donc on va plus être en mesure de l'envisager par la suite. C'est sûr et certain que comme tout événement, ben il faut se re-questionner quand ça fonctionne moins, quand il y a moins d'achalandage. Puis si on veut non, n'importe quel événement, on est toujours à la merci de la température. Tu vois pas si les gens vont venir ou pas. Je dirais en termes de qualité de salon, on a offert le max qu'on était capable. C'est impeccable comme qualité de salon. Est-ce qu'il faut changer la formule, s'il faut changer les dates, ben il faut se questionner. Faut vraiment se questionner par rapport à ça. Puis je dirais qu'il y a encore une clientèle qui apprécie ce genre de salon-là. La formule aux deux ans, ça c'est clair que c'est correct, parce que je pense qu'aux années, ça fait un peu trop rapide, trop redondant. Ouais. Mais aux deux ans, je pense qu'une troisième, ben on le sait pas encore. Mais tu sais, c'est sûr que nous, on veut toujours offrir le mieux pour la population. Puis on y va selon les besoins aussi de la population. Je pense que la course à pied, c'est encore populaire. Puis ça va le rester encore plusieurs années. Peut-être changer les dates, Pierre-Luc. Peut-être changer les dates juste en terminant. Ben oui. Carrément. Cette année, les dates, là, c'est sûr qu'il a fait beau cette fin de semaine-là. C'est la première fin de semaine de beau temps. On sait qu'on a de la misère à en avoir. Ben oui. On avait tendance à avoir peut-être plus de difficultés à ce niveau-là. Il y a moins d'achalandage en lien avec ça directement. Fait que, oui, c'est envisagé, ça, c'est clair. OK. Pierre-Luc, félicitations encore une fois. C'est pas mal de fun d'avoir une activité avec autant d'envergure dans les rues de Dolbeau-Mistassini. Donc, au plaisir de se parler, puis au plaisir de se parler dans d'autres circonstances. Merci. Pierre-Luc Ménard, le président de la 15e édition de la course de relève qui a eu hier à Dolbeau-Mistassini.